Yeah, H-E-T-M-A-N, prolifique, Maria. Je me rappelle du bon vieux temps, j'avais la joie de vivre, crois-moi, j'étais à fond dedans. Plein de délire avec les potes du quartier, j'ai commencé par les côtes buissonnières. Moi j'étais devant, les autres me suivaient derrière. Peu de temps après, j'ai côtoyé la rue, insouciant de ce qui m'attendait, j'ai brûlé les étapes. Maintenant je me trouve à Glambe, à fumer ta frappe normale. J'ai compris la vie très tôt, j'ai essayé de l'anticiper à plein reprises. Mais à chaque fois elle me poignarde dans le dos. Là pourquoi après rien je fais une crise. La vie m'a pas trop gâté, malgré tout je suis hâle. Amdoula j'avance à regret. De tout là haut j'ai un ange gardien. Instant final si j'ai fait du mal aux gens bien. C'était bien avant. Perdu dans la nature, la chance je me suis retrouvée dans un pays loin tel du mien, où je te sens mes rêves ou dans la réalité. Je voulais connaître ce pays, mais un jour tout a changé. Logiquement le bon temps, c'était avant. On vivait sans souci malheureusement, mais on a grandi trop vite. Et je me revois gosse, tous ces bons moments passés dans le barrio avec tous mes potos. Je me rappelle encore comme si c'était hier. La galère avait de nous des frères, putain mental jusqu'à la mort. Tous ces délires sont restés gravés dans mon cœur. Assez de souvenirs pour me redonner le sourire. Malheureusement certains sont partis trop tôt, certains derrière les barreaux, certains ont même quitté le barrio. Le temps est passé malgré tout, aucun souvenir ne s'est effacé. Trop de larmes versées, comme un jour de la hive, bien sapé direction la barche. C'était bien avant. C'était bien avant.